Chers auditeurs de Canal B, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, émission entièrement écoutable en streaming à partir de son site asile35.blogspot.fr. Ça, c'est pour la magie des ondes via internet et donc également diffusé sur l'antenne du 94 MHz le lundi pour le direct. Cette semaine, non pas une émission en direct, mais je propose la rediffusion d'une émission qu'on avait programmée l'été dernier, fin juillet, émission consacrée au jeune groupe de free jazz batave Cactus Truck, combo basé à Amsterdam, combo sax, basse, guitare, batterie, qu'on avait eu l'occasion de voir un peu plus tôt au début du mois de juillet 2013 dans le cadre du festival Jazz à Luz, excellente formation menée par le saxophoniste qui envoie du lourd John Dickeman, le batteur Ono Govertz et l'excellent guitariste bassiste Jasper Statuters. Et tout ce petit monde-là va se retrouver très très bientôt en concert. Ce sera lundi 12 mai à la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran dans une soirée organisée par l'association Interzone. Soirée dans laquelle vous pourrez également retrouver un solo de basse expérimentale par monsieur Maxime Petit du combo Louis Minus 16, ainsi que les compatriotes des Cactus Truck, les Dead Neanderthals, un duo sax-baryton batterie tout aussi furieux, qui sont rejoints pour cette tournée par le saxophoniste Colin Webster, qui est un Britannique qui a sorti des choses notamment sur le label Gaffer Records. Vous avez plus d'informations sur le site interzone.free.fr, mais l'occasion était trop belle de vous reprogrammer cette émission en deux parties autour du jazz, du jeune jazz free hollandais. Et on attaque donc cette spéciale Cactus Truck, la nouvelle sensation du jazz free en provenance d'Amsterdam. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela envoie du bois. John Dickerman, une propension à s'époumoner au saxophone ténor joué à l'horizontale. Jasper Stathouders a martyrisé ses cordes de basse ou de guitare. Et Ono Govert a flingué ses fûts de manière épileptique. Je vous propose un tour d'horizon donc de 2 fois 90 minutes autour de ces jeunes musiciens free et de quelques tendances du jazz et du rock free batav. Et on démarre comme il se doit avec Cactus Truck en concert, un extrait de leur CD qu'ils ont fait paraître sur leur propre label Tractata, c'était au printemps dernier, c'est sorti je crois le 1er mars sous le titre Live in USA with Jeb Bishop and Roy Campbell, 71 minutes de tuerie rassemblant 3 sets en concert enregistrés pendant leur tournée Monstre qu'ils ont donné à l'automne 2012 aux États-Unis, avec pas moins de 42 concerts qui se sont étalés entre le 22 octobre et le 12 décembre. Et je vous propose un titre enregistré le 7 décembre à Louisville dans le Kentucky at Astro Black Records. On écoute le morceau de Cactus Truck, Hot Brown. de la lave incandescente avec les brillantissimes Cactus Truck, avec un extrait de leur Live in USA publié en CD au printemps dernier sur Tractata Records. Cactus Truck, trois très jeunes musiciens qui jouent pied au plancher. Tout d'abord le batteur Ono Govert qui se produit en compagnie du bassiste guitariste Jasper Statuders depuis qu'ils jouent ensemble vers leurs 14 ans. Ils ont tout juste 23 ans, vous imaginez. Ils se produisent notamment assez régulièrement au sein de The Black Napkins et quantité d'autres projets qu'on va égrener un peu tout le long de ces deux émissions consacrées à Cactus Truck. Le trio donc a été créé il y a tout juste 3 ans, au printemps 2010, lorsque les a rejoints le saxophoniste d'origine américaine mais basé aux Pays-Bas, John Dickeman. John Dickeman qui est quelqu'un qui a joué avec quantité de musiciens depuis le début des années 2000, lui comptabilise 30 ans au compteur et il a commencé à jouer de manière professionnelle vers 2002-2003. On écoutera un peu plus tard dans l'émission une partie de ses frasques sonores avant qu'il ne s'installe en Europe. Et c'est quelqu'un aussi qui est parti du côté du Caire au milieu des années 2000 pour revenir donc en Europe et s'installer à Amsterdam vers 2007 et commencer donc à jouer en compagnie de ses deux camarades de Cactus Truck vers 2010. Ils ont enregistré à ce jour 2 albums officiels. Je propose de continuer tout de suite avec leur premier opus qui nous avait pas mal mis la puce à l'oreille en 2012. C'était sorti au 1er mars sur le label de Richmond en Californie, Public Eyesore, dédié aux musiques avant-garde depuis une bonne quinzaine d'années. Public Eyesore qui avait eu le nez creux en publiant ce Brand New for China, à la fois en vinyle et en CD. Je vous propose d'écouter un bout de cet album, le morceau The Snot Green Sea, The Scrotum Lightning Sea, et comme toujours, donc une musique forcément très énergique. Oh!

un bon aperçu du style particulièrement énergique et expressif du jazz pratiqué par les musiciens de Cactus Truck. Une musique qui n'exclut pas aussi d'aller vers un certain free rock. On a entendu en début de séquence un extrait de leur premier album sorti en 2012 sur le label américain Public Eyesore sous le titre Brand New for China. Un disque qui est toujours disponible, je crois, en vinyle et en CD. Et juste à l'instant, il s'agissait d'un autre projet du guitariste de Cactus Truck, le brillantissime Jasper Stadtuders, et son projet, le Spinifex Quintet. Spinifex Quintet, qui est un projet à géométrie variable. Je crois qu'il y a une version grand orchestre, aussi une version avec des musiciens indiens. C'est le groupe dans lequel joue le saxophoniste Tobias Klein et le trompettiste Jigu Levelt. Et il y a aussi un batteur qui appartient à un groupe metal, Silis, qui répond au nom de Philippe Moser, et Gonzalo Almeida à la basse. Donc Jasper Stadtuders est plutôt à la guitare, guitare qu'il fait sonner comme pas un. Lui qui jouait Purple Haze de Jimi Hendrix de manière hallucinante dès l'âge de 9 ans. Jasper Stadtuders qui joue assez régulièrement de la guitare avec Archer de manière assez frénétique. Donc Spinifex Quintet qui n'a pas sorti de disque à ce jour, mais je crois qu'il y a un album en préparation. Il y a d'ailleurs un titre extrait de ce futur album sur leur site. Alors leur site c'est Spinifex, S-P-I-N-I-F-E-X, musique. .nl. Ils ont aussi un SoundCloud avec pas mal de titres en écoute. C'est vraiment une musique brillantissime dans le jazz free, comme on l'aime dans l'asile le plus sûr. On va continuer avec une autre formation dans laquelle ne jouent pas des musiciens de Cactus Truck, mais plutôt des affiliés. Il s'agit des gens du collectif Douek, collectif dont font partie notamment John Dickeman, le saxophoniste de Cactus Truck. Il a rejoint donc cette coopérative dans laquelle on retrouve pas mal de gens de la tradition de l'improvisation libre aux Pays-Bas. J'ai nommé notamment le contrebassiste Wilbert De Jode, le saxophoniste qui lui aussi est d'origine américaine, Michael Moore, Walter Virbos qui joue du trombone, si je ne m'abuse, Tobias Delius ou encore Cor Fuller. Figure aussi dans cette coopérative Douek Oscar Jan Ouglan, qu'on va écouter tout de suite, qui est un pianiste plutôt de formation classique qui joue du jazz contemporain. Là, on le retrouve au sein du trio EK, ou EKE, E-K-E, pardon, avec un extrait de leur concert enregistré au fameux club d'Amsterdam, Le Bimuis, Live at the Bim. Un disque qu'a ressorti d'ailleurs Doek. Il était paru initialement chez Red Note, le propre label de Lukex, l'ancien bassiste de ZX. Et c'est pas étonnant puisque au sein de EKE figurent des musiciens qui se sont produits assez régulièrement aux côtés de Lukex, notamment le batteur Jerry Jagger, ainsi que le saxophoniste Yedo Gibson, qui lui non plus n'est pas hollandais mais plutôt brésilien et installé à Amsterdam depuis 2006, et qui a travaillé aux côtés de Ant Bening, Michael Watcher, donc un peu toute l'avant-garde de la musique jouée du côté d'Amsterdam et aux Pays-Bas. On va écouter donc un extrait de ce Live at the Bim qui a été réédité donc en avril 2013 et qu'on peut écouter d'ailleurs sur le bandcamp du collectif Doek. Alors c'est Doek, doek.bandcamp.com. On va écouter un titre plutôt pas mal en fait de cet album, celui qui démarre par exemple, donc le morceau Block par EK. Thank you. Thank you. Tranche de jazz contemporain dans l'asile le plus sûr qui nous a fait voyager sur deux continents avec tout d'abord en début de séquence des jeunes musiciens du vieux continent. Il s'agissait de Eke et leur jazz expérimental extrait de ce live at the Beam, la musique du trio du claviériste Oscar Jan Ucklan qu'on entendait sur cette pièce au clavicorde électrique. C'était réédité été au printemps par les bons soins du collectif dont ils font partie, Dweck. Ces musiciens qui sont proches donc de Cactus Truck, dont on écoutait le saxophoniste juste après, avec un extrait d'un vieux disque de 2005 publié par le label Archive en CD sous le titre A Combination of Events. Il s'agissait de pièces enregistrées en 2003, alors que le saxophoniste d'origine américaine avait tout juste 20 ans et jouait déjà avec un peu le ouzou du jazz free et contemporain aux États-Unis, notamment sur ce CD. Le batteur Mike Pride, le trompettiste Nate Woolley et le saxophoniste Jack Wright. Jack Wright qui a beaucoup compté, il semblerait, dans son propre parcours musical, d'après ses propres termes, notamment à l'époque où il habitait à Boulder dans le Colorado. Ils habitaient tous les deux dans le même coin et donc il a eu l'occasion de beaucoup apprendre aux côtés de ce saxophoniste. Mais les musiciens qui l'ont beaucoup marqué, ce fameux John Dickeman de Cactus Truck, ce sont évidemment John Coltrane et Albert Heller, dont il convoque régulièrement les fantômes dans son jeu hyper intensif et très agressif, avec un côté méditatif également. Il y a une très belle interview, je crois qu'elle dure à peu près 45 minutes, où il explique un peu son jeu assez frénétique et son inspiration, qui est tout autant inspiré par le jazz américain que par les musiques improvisées et libres européennes. Je pense notamment au saxophoniste Peter Brotzmann. Donc une interview à voir sur internet, sur YouTube. On continue avec une autre rencontre, John Dickeman toujours, cette fois-ci uniquement en duo avec le batteur de Cactus Truck, Ono Govert. Il s'agit de leur premier live tous les deux, première performance en concert en duo. Je pense que ça a dû être enregistré également au Bimuis d'Amsterdam. Il n'y a pas plus d'informations, c'est écoutable sur le soundcloud.com du batteur Ono Govert, Govert. On écoute ça tout de suite sur l'antenne du 94 MHz. We'll be right back. Une nouvelle séquence qui égrenait les projets des musiciens de Cactus Truck, leurs différentes ramifications du côté de la Hollande et d'ailleurs. Tout d'abord, on a pu entendre John Dickeman, le saxophoniste cosmopolite puisqu'il a visité autant le Canada, le Liban, l'Égypte, l'Algérie, la Libye, le Soudan, l'Israël, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Pologne, Pologne avant de se fixer aux Pays-Bas et donc de fonder cet excellent trio Cactus Truck aux côtés de Ono Govert avec lequel il croisait le fer. Donc Ono Govert dans cette performance en concert dans laquelle on pouvait avoir un bon aperçu du jeu hyper expressif et hyper intensif du saxophoniste, et c'était enchaîné avec un projet du troisième larron pour rétablir l'équilibre, donc le troisième lascar de Cactus Truck, j'ai nommé Jasper Statuders, qui cette fois-ci jouait de la basse et non pas de la guitare au sein de ce projet Lily's Déjà Vu, ou Lily's Déjà Vu, un titre en français, ça doit être du dernier chic aussi du côté d'Amsterdam, qui est le quintet, ou plus exactement le quartet dans lequel on retrouve la saxophoniste d'origine allemande Ingrid Laubrock, qui vit à Brooklyn et qu'on a l'occasion assez régulièrement dans les îles de Pussure de vous proposer au sein de différents projets, notamment aux côtés de musiciens américains. Elle était cette fois-ci donc dans ce groupe Lily's Déjà Vu, aux côté du guitariste Guillermo Celano et du batteur Marcos Badgiani, qui eux font partie de The Ambush Party, ainsi que du Celano Badgiani Group, de musiciens qui ne sont pas hollandais d'origine mais qui vivent eux aussi aux Pays-Bas. Lily's Déjà Vu, qui est en tournée à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, pour présenter leur premier album qui devrait voir le jour donc à la rentrée. En attendant, vous avez la possibilité d'écouter pas mal de titres sur leur site. Ça doit être sur l'adresse quelque chose comme Lily's, L-I-L-Y-S, déjà vu, VU.com. Voilà, que pas mal de morceaux en écoute. On continue avec les projets des musiciens assez proches de Cactus Truck et notamment d'autres musiciens du collectif Dweck. Cette fois-ci, il s'agit du cornettiste Eric Bourg et son quartet, un combo qu'on a souvent comparé aux orchestres d'Ornette Coleman, de la fin 50, début 60, ce qui n'est pas très étonnant vu qu'ils ont joué pas mal de pièces de son répertoire. On va écouter un extrait de Coconut, son dernier album en date qui est sorti en 2012. Ça doit être le cinquième album de cette formation dans laquelle on retrouve le saxophoniste américain Michael Moore, le bassiste Wilbert de Jode, le batteur légendaire Anne Benink. Voilà, Eric Boren, qui fait également partie de Available Jelly, autre formation assez importante du jazz contemporain aux Pays-Bas. On écoute un extrait, un titre d'Ornette Coleman qui date de 1960, le Joy of a Toy d'Ornette Coleman, joué par le Eric Boren's Quartet. Thank you. Du jazz improvisé à la sauce typiquement batave sur l'antenne du 94 MHz avec tout d'abord Eric Boren, cornettiste, en compagnie du saxophoniste Michael Moore et du contrebassiste Wilbert De Jode, trois musiciens emblématiques du collectif de jazz improvisé contemporain hollandais Doek, qui jouait en compagnie du vétéran de la batterie qui lui a démarré dans l'ICP Orchestra de Micha Mengelberg et qui a beaucoup joué et contribué au free européen, notamment aux côtés de Peter Brotzmann. J'ai nommé Anne Benink. Cet extrait de l'album Coconut, sorti l'an dernier, du Eric Boeren Quartet, avec cette reprise d'Ornette Coleman, qui était enchaînée avec un concert au fameux club Le Bimuis d'Amsterdam par le Royal Improvisers Orchestra, également en compagnie de Anne Benink. Ça date de 2008. Et c'est sorti en 2011 sur Riot Impro Records. C'est la rencontre entre les musiciens des groupes Eke, Ambush Party et aussi Cactus Truck. On y trouve effectivement le saxophoniste John Dickman dans ce grand collectif d'improvisation collective, donc dans la tradition de la free musique européenne, façon grands anciens, notamment le Globe Unity Orchestra ou le London Improvisers Orchestra. Très très grande formation, je vous disais, deux guitares, trois gars électroniques, deux batteurs, du basson, de la harpe et deux chanteuses improvisatrices. Musique assez étonnante, ce Royal Improvisers Orchestra. J'espère que cette première partie d'émission, plutôt autour du jazz contemporain, du Cactus Truck et des musiciens hollandais, vous aura intéressé et chatouillé agréablement l'oreille. La semaine prochaine, deuxième partie partie qui sera nettement plus consacrée aux expériences plus free rock en fait des musiciens autour de Cactus Truck. Donc je vous donne rendez-vous pour cette émission qui risque de dépoter. Et on se termine avec un morceau assez punitif de Cactus Truck, toujours extrait de ce live in USA sorti au printemps de l'année 2013. Là il s'agit du titre en compagnie du tromboniste Jeb Bishop. Ils avaient joué avec différents musiciens lors de cette furieuse tournée de 43 dates de l'automne 2012 aux États-Unis, notamment Roy Campbell et donc Jeb Bishop au trombone et aussi à l'électronique sur différentes dates comme celle-ci du 26 octobre au Skido Records de Wilmington dans le comté de New Hanover en Caroline du Nord. J'espère que cette émission spéciale autour du jeune combo hollandais Cactus Truck vous aura plu. Je vous rappelle qu'elle est entièrement podcastable et écoutable aussi en streaming à partir du blog de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr. Ça c'est pour internet. Je vous rappelle aussi que le combo Cactus Truck sera en concert le lundi 12 mai, ce sera à la Maison de la Grève à Rennes au 37 rue Le Graveran. Ils seront également en compagnie de leurs compatriotes les Dead Neanderthals ainsi que Colin Webster et les Dead Neanderthals. Donc ce sera deux sax baryton et batterie. Et il y aura aussi un solo de basse électroacoustique de monsieur Maxime Petit. Plus d'informations sur le site interzone.free.fr. L'entrée est en prix libre. Voilà donc pour cette soirée du lundi 12 mai. On écoute donc Cactus Truck dans ses œuvres. Je vous souhaite une très très bonne nuit, une bonne semaine et un bel été. À bientôt.